bjavri gjamni Rami e tuni kipo dhe shire Bjavri t'i kësi mu da bjavri tuni kipla t'vim t'im jesh Kur që DJ Bjavri mi mi tuni kipo bjom bon na një vizhe Bjavri tuni kipo margjo po meni tuni kipo shabo në bobo kishande Bjavri t'i kësi mu da va Bjavri tuni kipo dhe podjom avek DJ Flash i tutli kipe Bjavri gamma tutli kip t'i magnoma Si Jean-François Dë rëduar Fodë me të pëllë dhe tha okej Signore e signora, e sarà tutti così, mio amore. The sound of the future is now, is here. So your mind, your head, and your legs, and your mind. Okay, the party will begin cool and sexy. But the following is gonna be more hard right away is a place to be to yourself, to the mindset, to the dub by all the brains of the sound of Paris in 1997 in my hair. So, are you ready to go all the way? Here we go, 1, 2, 1, 2, Metropolis, are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yeah. The Witch Doctor. The Witch Doctor. Jam spot. MJ in the house, okay? And don't play to me with a chandel, okay? Alright, just do it. Mission is to make everybody in the metal stands. Jam spot. We'll be right back. Cornwall, please, on the New York, Chicago, Beverly Hills, Los Angeles, California. Listen to the DJ, some of the mental is breaking up, you know. Fuck with the sea, come on, you be boy, mom the tie, you plan with the tie. Come on the black, you see you well, with it, with them, that the show. Ciao gente, 1997, un formidabile anno di sole per vecchi e giovani. Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound mixato tutto per voi. Sì, molti sicuramente avranno già riconosciuto questo motivo. E ora, prima di interrompere il titolo, ci tappiamo la bocca e alziamo il volume a tutto gas. Los niños del parque. Signor al parque, e parque della tutti, tutti della discoteca, mia moglie della ultima della sera, cantere più, se la quante della massima detente della tua sposa regna macchina, viva la canto della passi, passi, passi mora, Giuseppe Mali, buon anniversario! Ah, ah! niños del paque. danse, prêt à gazer, à montrer, à danser avec la romance. Oui, répète encore avec la cadence, danse de temps sur le temps. Tu m'entends? Bienvenue sur la piste de danse, prêt à gazer, à montrer, à danser avec la romance. Oui, répète encore avec la cadence, danse de temps sur le temps. Tu m'écoutes? Danse, bouge, cool, devant, derrière, chante, frime, rime, droite, gauche sur la loi du son qu'on appelle mon nom, maître d'un monde que j'encombre tout au bout du son. Bienvenue sur la piste de danse, répète, répète comme ci, comme ça. Danse, bouge, cool, devant, derrière, chante, frime, rime, droite, gauche sur la loi du son qu'on appelle mon nom, maître d'un monde que j'encombre tout au bout du son. Bienvenue sur la piste de danse, répète, répète comme ci, comme ça. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur la piste de danse, répète, répète comme ci, comme ça. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur la piste de danse, répète, répète comme ci, comme ça. Мы пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник. Титаник. Титаник. It's the biggest party in the world, the biggest club in America. Титаник. Титаник. Пришли сюда. Титаник. Paranoid Moscow. Давай. отдыхаем хорошо. Давай. Отдыхаем хорошо. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Paranoia in Moscow. You think a little love is all you need. Don't take what I mean. Рейвен. Негрину, друзья, негрин, кто ты здесь? Под метро, блядь. Под жанды, нагинавен, под твоем твиты гире. Под бэнч, под бире. Хи, жанды. You want to feel what you want it to be. Buonasera a tutti, a più tardi mio amore. E welcome. Cabron, no nos vamos. Bene, bene, tutti bene. Ladies and gentlemen, tonight is a very special party time. Because tonight is a metropolis in the air. In the legs, in the body. Okay, are you ready? You're all the way. Here we go. One, estoy two, loco. One, two, three, four. Estoy loco. Hello, my name is Alles. What less? The DJ's less. The DJ's less. Miss Chain, there is no guest list Thank you.